Thomas, Seigneur, et les dieux même d'Albe et de Rome ont confirmé le choix. Adonons le roi, soumettons-nous, Romains, à leur décret suprême.